Chapitre 24. Les absents. Si la citatielle donnait l'illusion de l'immobilité, telle une ruche architecturale suspendue au milieu des nuages, elle était en réalité en mouvement continuel. Moitié poussée par les vents, moitié propulsée par des milliers d'hélices, elle se déplaçait de façon le plus souvent aléatoire. À cet instant, la grande ville orbitale plongeait déjà dans l'ombre les quartiers industriels des Sables d'Opale. Le nez collé à la vitre du téléphérique qui redescendait lentement vers l'hôtel, Ophélie ne la quittait pas des yeux, nourrissant le petit espoir que la présence de la capitale ici fût le fruit du hasard et que des vents contraires la repousseraient vite vers le nord. « Pitié !» gémit Agathe. « Ne me dis pas que la cour se trouve là-haut » « Tu aperçois la tour la plus élevée ?» lui dit Ophélie. « C'est là. » C'est ni possible. D'abord cet interminable voyage en dirigeable, ensuite le train sur la muraille, les promenades au bord des falaises, les allées et venues en téléphérique, et maintenant ça, j'en arrive à regretter notre petite vallée. Ça perd les popettes ! S'écria soudain Agathe en plaquant son gant de dentelle contre la vitre de la nacelle. Des gens tombent de la ville ! Elle montra un grand traîneau étincelant qui glissait dans les airs tracté par des rennes. « Il ne tombe pas !» la rassura Ophélie. « La citatielle est desservie par des couloirs aériens très efficaces. »« Oh ! Le traîneau a atterri juste devant notre hôtel !» s'exclama Agathe. « Des hommes en descendent ! Oh, leurs uniformes sont magnifiques ! Si seulement Charles pouvait s'habiller ainsi, tout de blanc et d'or ! Est-ce que ce sont des princes ?» « Non, » marmonna Ophélie, beaucoup moins enthousiaste. « Ce sont des gendarmes. »« Ils ne viennent pas pour nous, n'est-ce pas ?» À peine furent-elles descendues du téléphérique qu'Agathe eut sa réponse. Les gendarmes, qui étaient occupés à interroger leur famille, invitèrent Ophélie à s'installer dans le grand traîneau de police, tout en dorure et en fourrure, stationné devant l'hôtel. « Le seigneur Farouk demande à vous voir, mademoiselle. » « Moi ? Pourquoi ?»« Parce qu'il demande à vous voir, » lui répondit-on avec une courtoisie impassible. « Madame Bérénilde n'est pas avec vous ?»« Non, vous ne la trouverez pas ici, » dit Ophélie en restant évasive. « C'est regrettable. Montez, mademoiselle. » Ophélie s'efforça de ne pas montrer son inquiétude à sa famille. Farouk avait-il finalement perdu patience ? Allait-il lui demander de lire son livre ? Pour de vrai, cette fois. Thorne se trouvait sans doute déjà à l'autre bout de l'arche et Bérénilde n'était pas encore revenue du sanatorium. La seule pensée d'affronter Farouk seul donnait à Ophélie des crampes d'estomac. Elle se sentit à la fois surprise et rassurée en voyant que les sœurs d'Archibald se tenaient elles aussi sur les banquettes fourrées du traîneau. Elles n'étaient ni coiffées ni maquillées et leurs robes avaient été lacées avec une négligence inhabituelle. « Que se passe-t-il ? « Mademoiselle Patience !» murmura Ophélie en s'asseyant en face de l'aînée. « Que nous veut-on ? » Pour toute réponse et de façon parfaitement inattendue chez une jeune fille aussi distinguée, Patience lui bâilla au nez. Ophélie remarqua en levant les yeux vers l'hôtel la silhouette volumineuse de Cunégonde qui les observait depuis la fenêtre de sa chambre. Elle tira aussitôt les rideaux comme si elle ne voulait pas être vue. Maladie nerveuse ou non, cette mirage se comportait de façon vraiment suspecte. Une seule personne pour accompagner mademoiselle, annonça un gendarme d'un ton formel quand tous les animistes se ruèrent sur le traîneau. Moi, décida la mère. Esprit de famille ou non, monsieur Farouk reste un homme. S'il veut fréquenter ma fille, il devra me demander d'abord la permission. Quitte à choisir, Ophélie aurait préféré être accompagnée par Renard. Il s'était penché sur la rampe du traîneau pour l'assaillir de documents et de recommandations. « Ça, ce sont vos papiers d'identité. Vous les aviez oubliés dans la poche de votre autre manteau. Vous en aurez besoin. Ça, c'est le fac-similé du contrat de monsieur votre fiancé avec le seigneur Farouk. Et ça, c'est votre licence professionnelle pour votre cabinet de lecture. Mais surtout, vous ne la sortez que si le seigneur Farouk aborde la question. Je me charge d'avertir madame Bérénilde et votre tante. D'ici là, pas d'imprudence, gamin. » Une main retenant son chapeau à plumes, la mère d'Ophélie prit place sur la banquette avec une dignité de duchesse. Quelques instants plus tard, alors que le traîneau de police remontait un couloir aérien à la vitesse du vent, son chapeau fut emporté au loin. Après l'atterrissage sur la grande place de la Citatielle, s'ensuivit une interminable montée à travers les étages, sous l'escorte des gendarmes. À chaque correspondance d'ascenseur, et il y en eut un nombre considérable, un officier en uniforme blanc et or vérifiait leurs papiers d'identité, puis leur faisait signe de prendre place dans la cabine suivante. Jamais Ophélie n'avait vu un tel déploiement de sécurité et personne ne se donnait la peine de leur fournir la moindre explication. Sa mère devenait un peu plus rouge d'étage en étage et reposait sans cesse la même question outrée. « Que voulez-vous à ma fille ?» À quoi un gendarme lui servait imperturbablement la même réponse. « Le seigneur Farouk demande à la voir, madame, elle et les demoiselles de l'ambassade. Il a aussi demandé madame Bérénilde, mais puisqu'elle n'est pas là... » « Ce n'est pas une manière de se comporter envers des jeunes dames, tout de même !» s'indigna la mère d'Ophélie. « Tu me l'aurais dit si tu avais fait une bêtise, n'est-ce pas, ma fille ?»« Oh là là, si j'avais su, je serais allée à la toilette d'abord. Combien d'ascenseurs encore nous faudra-t-il prendre ainsi ?» Ophélie ne lui répondit pas, car elle était elle-même un peu perdue. Elle se rendait compte qu'on leur faisait emprunter un itinéraire détourné de façon à monter vers la tour de Farouk, sans passer par le clair de lune, ce qu'elle ne croyait même pas possible. L'ambassade était officiellement l'antichambre de la cour. Cela aurait dû en faire un passage obligé. « Nom d'un cornet à piston !» s'écria soudain la mère d'Ophélie en plaquant ses doigts vernis contre sa bouche. La grille dorée de l'ascenseur venait enfin de s'ouvrir sur le cinquième étage. Ophélie, elle-même habituée à la lumière éblouissante et aux couleurs flamboyantes de la cour, fut prise au dépourvu par le changement d'atmosphère. Le soleil qu'elle avait toujours vu ici, à son zénith, tel une aiguille d'or figée sur midi, s'abîmait à présent dans la mer, déposant une longue traîne de feu sur l'eau. Le ciel était une déclinaison symphonique de roses, de bleus, de violets et d'orangers. Même la texture de l'air avait changé, à la fois douce, tiède et sucrée, comme le plus réussi des soirs d'été. « C'est donc ici que tu passes tes journées, ma fille ?» demanda la mère d'Ophélie d'une voix métamorphosée, tandis qu'elle suivait les gendarmes le long du bord de mer. « En grande partie, oui. » Ophélie avait répondu d'un ton distrait, entièrement concentré sur le palais flottant de la jetée promenade, dont toutes les vitres reflétaient le coucher de soleil à l'autre bout du bord de mer. « Qu'était-il donc en train de se tramer ici ?»« Et pourquoi ?» se demanda-t-elle en regardant les sœurs d'Archibald, pourquoi les avait-on convoquées tout ensemble? Les sept jeunes filles marchaient comme des somnambules, les yeux mi-clos, sans un seul regard pour cette extravagante salle de cour dont leurs frères les avaient toujours tenues à l'écart. « Tu aurais dû me le dire !» s'exclama la mère d'Ophélie. « Si j'avais su que tu avais été entrée dans un endroit aussi épastruyant, je n'aurais pas tant fait ma difficile avec Monsieur Thorne. « Allez, on croirait un décor de carte postale. Que fabriquent donc ces personnes là-haut ?» Elle venait de remarquer les hommes en queue de pie qui se tenaient debout sur des échafaudages le long de la promenade, juste face à la mer. Ils faisaient tous des gesticulations théâtrales de chef d'orchestre, sauf qu'ils ne dirigeaient aucun musicien. Ils donnaient une touche finale au coucher du soleil, étirant ici une traînée de nuages, ajoutant là un halo de lumière, nuançant encore et encore les couleurs. On aurait dit des peintres impressionnistes dont les doigts auraient joué le rôle des pinceaux. « Ce sont des artistes mirages, maman. Ils peaufinent le décor. » Ophélie voyait bien dans l'œil émerveillé de sa mère qu'elle était en train de considérer son mariage sous un éclairage différent. En ce qui la concernait, elle regrettait déjà le ciel authentiquement gris du vrai dehors. Les rares promeneurs qui se retournaient sur leur passage étaient des courtisans de petite influence, ce qui n'était pas bon signe. Tous les puissants s'étaient réunis là où elle se rendait. « Ne remettez plus jamais les pieds à la cour », lui avait ordonné l'auteur de la lettre. S'il faisait partie des gens qu'Ophélie s'apprêtait à affronter, il saurait bien assez vite qu'elle lui avait désobéi. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, se demandant si Vladislava l'escortait encore en ce moment ou si elle s'était personnellement chargée d'avertir Thorne. C'était un peu l'inconvénient avec un garde du corps invisible. On ne pouvait jamais être sûr qu'il fût là ou non. Les gendarmes leur firent traverser le grand pont sur pilotis qui menait à la jetée promenade. La rotonde principale du palais était emplie de femmes et de murmures. La mère d'Ophélie, qui ne s'était pas préparée à côtoyer les toilettes sophistiquées des dames de la cour, refit son énorme chignon avec des gestes nerveux, comme si elle se sentait nue sans son chapeau. « Bonsoir, madame. Bonsoir, mademoiselle. » salua-t-elle chaque personne qu'elle croisait, soucieuse de faire bonne impression. « L'usage est-il de dire bonjour ou bonsoir ?» chuchota-t-elle en se rapprochant d'Ophélie. « Nous sommes en plein milieu de la journée, mais avec ce coucher de soleil, je me mélange les aiguilles et j'ai l'impression de froisser toutes ces snobinettes. » Ophélie nota l'éclat dangereux dans les regards qu'on leur destinait. « Quand vous retournerez là-bas, soyez prête à affronter l'enfer. » avait prédit Cunégonde. « Elles ne disent jamais ni bonjour ni bonsoir, » dit Ophélie en passant son bras sous celui de sa mère, bien décidée à ne pas la perdre de vue. « Les domestiques sont les seules personnes polies que vous rencontrerez ici. » Les gendarmes les aidèrent à se frayer un passage au milieu des crinolines à travers l'une des cinq galeries principales qui partaient en étoile de la rotonde. Depuis qu'Ophélie fréquentait la jetée promenade, elle avait souvent eu l'occasion de visiter ses nombreuses salles de jeu. Aucune d'elles ne la mettait plus mal à l'aise que celle où on venait de les introduire, la chambre de la roulette. C'était une salle aux proportions gigantesques qui dégageait une ambiance de vente aux enchères avec ses innombrables chaises tournées vers la tribune où siégeait Farouk, ou croulait Farouk, plutôt. À la vue de cette grande silhouette avachie dont les longs cheveux blancs ruisselaient jusque sur le sol, Ophélie sentit ses jambes vaciller. Elle avait gardé de leur dernière confrontation une irrépressible envie de le fuir. « C'est donc lui, le fameux monsieur Farouk ?» fit sa mère un peu perplexe. « C'est un beau morceau, mais il ne se tient pas très bien. » La chambre de la roulette devait son nom à une illusion décorative qui avait doté le plafond d'un immense plateau tournant découpé en cases numérotées et où roulait sans cesse une bille blanche. Il suffisait de lever les yeux vers cette grande roulette pour avoir l'impression de remettre sa vie au hasard. Cela n'avait rien d'infondé, puisque c'était ici que Farouk tranchait les litiges, rendait son verdict et exécutait les sentences, une fois par mois. Ces décisions étaient si contradictoires et si aléatoires qu'elles faisaient l'objet de paris continuels, à croire que la justice était un jeu comme un autre. L'affaire en cours concernait le ministre du chauffage centralisé, qui gérait tous les calorifères de la cité ciel. Installé à la tribune de l'orateur, face au grand trône de Farouk, il était en train de se plaindre d'un document émis par Thorne. « Oui, il se trouve que je suis l'heureux propriétaire d'une mine de charbon, » plaidait-il d'une voix vibrante de dignité offensée. « Oui, je me suis humblement proposé pour être le fournisseur officiel de la cour en combustible, mais où sont donc ces conflits d'intérêts que l'intendance me reproche ? Si mon entreprise peut servir mon ministère, je manquerai à mon devoir en m'en abstenant. » Prostré sur son trône d'or et de velours, pareil à un enfant qu'on aurait assis là contre sa volonté, Farouk lisait le papier qui posait problème d'un air accablé d'ennui. Ses favorites se tenaient derrière son trône, immobiles et silencieuses, comme des statues de diamant. Le greffier consignait à la machine à écrire tout ce qui se disait. Coincée entre sa mère et les sœurs d'Archibald, Ophélie se tordit sur la banquette pour promener un regard attentif sur la salle. Elle connaissait la plupart des membres de l'assemblée. C'étaient presque tous des magistrats, des ministres et de hauts fonctionnaires. Le baron Melchior, qui portait aujourd'hui un simple complet blanc, tapotait de ses gros doigts bagués le pommeau de sa canne plantée entre ses deux jambes. Aucun sourire ne venait soulever ses moustaches en baguette et ses cheveux blonds n'étaient pas gominés, ce qui était à peu près aussi inhabituel que la sobriété de sa mise. Ophélie soupira, déçue de ne pas apercevoir Thorne. Elle eut cependant la surprise de constater que toutes les premières rangées étaient occupées par des membres de la toile. Les bras croisés, ils écoutaient péniblement la plaidoirie du ministre du chauffage centralisé. Ophélie fronça les sourcils en les observant mieux. Ils étouffaient des bâillements, se frottaient sans cesse les paupières ou sursautaient quand ils se surprenaient à dormir. Quelle était donc cette étrange somnolence qui semblait s'être emparée de toute la famille? Et pourquoi Archibald n'avait-il pas été convoqué en même temps que ses sœurs? Savait-il seulement qu'elles étaient là? Je peux vous résumer l'alternative en quelques mots, monseigneur, dit le ministre d'une voix doucereuse en voyant que Farouk ne parvenait pas à trancher. Si vous validez, attendez-vous à avoir très froid l'hiver prochain. Farouk déchira le papier de l'intendance d'un geste nonchalant. Dans la chambre de la roulette, il y eut alors des échanges de sabliers bleus selon qui avait gagné son pari et qui l'avait perdu. Ophélie espérait pour Thorne que les états familiaux ne se dérouleraient pas ainsi. « Affaire suivante !» s'exclama le commissaire de la cour en donnant un coup de maillet. Ophélie se leva puis se rassit aussitôt. Son tour n'était pas encore venu. À sa grande surprise, ce fut le chevalier que deux gendarmes conduisirent jusqu'à la tribune. Étant donné qu'il était trop petit pour s'y tenir, on le fit monter sur une chaise. Une fois installé, il contempla ses souliers vernis tout en se rongeant les ongles. Sans ses chiens, il ressemblait à un enfant aussi vulnérable que les autres. « Que fait un garçon si jeune ici ?» demanda la mère d'Ophélie sous le regard désapprobateur des nobles les plus proches. « Il a l'âge d'Hector. Pauvre petit, ce doit être terriblement impressionnant. » Ophélie aurait été bien embarrassée de lui répondre, mais elle en fut dispensée par le baron Melchior. Dès l'instant où il les avait aperçus dans l'ombre de leur alcôve, il avait quitté sa chaise sur la pointe des pieds et s'était dirigé vers elle aussi discrètement que le permettait son embonpoint. « Comment vont-elles » s'inquiéta-t-il en posant un regard attentif sur les sœurs d'Archibald. « Je ne sais pas, » chuchota Ophélie. « Elles ne répondent à personne et ne réagissent à rien. Monsieur le baron, que se passe-t-il? Pourquoi avons-nous été convoqués? Où est Archibald ?»« Comment ?» s'étonna Melchior. « On ne vous a pas dit ?» Il n'eut pas le temps de poursuivre. Le commissaire s'était lancé dans la lecture du procès-verbal. « Et reproché à Monsieur Stanislav, ici présent, d'avoir fait un usage immodéré de son pouvoir, le dit usage ayant impliqué des bêtes et compromis la sécurité de vos sujets. Une demande de mutilation a été introduite par l'intendance à la suite d'un incident ayant occasionné des blessures pouvant entraîner la mort. » Plusieurs mirages tournèrent un regard furibond en direction de l'alcôve d'Ophélie. Sa mère venait d'émettre un hoquet incrédule en entendant parler de mutilation. « Veuillez noter, » poursuivit le commissaire avec un regard prudent pour Farouk, « que les faits semblent engager la responsabilité de Madame Bérénilde. »« C'est faux !» protesta le chevalier qui s'exprimait pour la première fois. « Comment ?» grommela le commissaire. « Vous niez les faits ?»« Je ne les nie pas !» balbutia le chevalier en manipulant ses grosses lunettes avec des gestes gauches. « Je tenais juste à dire que Madame Bérénilde ne m'a jamais rien demandé. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour elle, mais sans sa permission. » Il se retourna en se penchant dangereusement sur sa chaise, fouilla les alcôves du regard et s'arrêta sur Ophélie quand il la trouva. Elle ne distinguait pas bien les yeux du chevalier à cette distance sous l'épaisseur des lunettes, mais elle le vit mordre ses lèvres d'un air désemparé. « Il aurait voulu voir Bérénilde avec moi, » comprit Ophélie en serrant son écharpe entre ses doigts. Il avait peur et cette peur-là était sincère. « Il se trouve que Madame Bérénilde a aussi été blessée par mon comportement, » finit par balbutier le chevalier d'une voix mal assurée, mais assez forte pour être entendue de tous. Ophélie eut un mouvement de surprise. La conversation qu'elle avait eue avec lui l'avait-il plus ébranlée qu'elle ne l'avait pensé? « Est-ce que ce sera douloureux ?» ajouta le chevalier d'une petite voix en descendant de sa chaise. « Retirez vos lunettes, » dit simplement Farouk en se levant de son trône avec une lenteur prédatrice. À peine le chevalier les eut-il ôtées en clignant ses petits yeux myopes, qu'il poussa un cri aigu. Farouk avait penché son immense corps en avant et avalé entièrement le visage de l'enfant sous la paume de sa main, les doigts plongés dans les boucles blondes. Le chevalier se convulsa et s'agrippa à la manche de l'esprit de famille comme s'il ne pouvait plus respirer. Son corps, réduit à sa plus minuscule expression face au gigantisme de Farouk, n'en finissait plus de se tortiller. Il était impossible de déterminer si c'était de souffrance, d'asphyxie ou de panique. Ophélie ne portait pas le chevalier dans son cœur, mais elle se mit à avoir vraiment peur pour lui. Et il n'y avait personne parmi les mirages, parmi les membres de sa propre famille pour s'émouvoir. Elle se leva instinctivement, donnant au passage un coup de coude dans l'estomac du baron Melchior. « N'intervenez pas !» lui murmura-t-il. « Tout ira bien, je vous en donne ma parole. » Et en effet, il se produisit alors un phénomène auquel Ophélie n'avait jamais assisté. Une vapeur argentée s'éleva du corps du chevalier, comme si une substance s'en échappait. Son pouvoir familial venait de le quitter, telle une âme qui abandonnerait le corps d'un mort. Farouk le relâcha enfin d'un geste négligent et le chevalier s'écroula pantelant sur le parquet de la tribune. Une grande croix noire lui barrait le visage, comme si la main de Farouk l'avait imprimé sur sa peau. « À compter de maintenant, » dit lentement Farouk de sa voix d'orage en reprenant place dans son fauteuil, « jamais plus vous ne blesserez Bérénilde. » Dans les yeux de la mère d'Ophélie, toute trace d'émerveillement avait disparu. Son émotion avait déteint jusque sur ses bijoux. Le profil d'Artémis qui se découpait sur le fond rouge de son camée favori ouvrait une grande bouche horrifiée. « Monsieur Stanislav, » reprit le commissaire d'un ton monocorde sans même laisser au chevalier le temps de se remettre debout, « vous avez été reconnu coupable de trahison envers votre propre famille. Votre pouvoir vous a été repris. Où se trouve votre tuteur légal ? » demanda-t-il avec un regard morne sur l'assemblée. « Il a disparu dans sa baignoire. » Le chevalier avait répondu lui-même d'une voix faible, cherchant à la surface du parquet les lunettes qu'il avait fait tomber. Le peu qu'on devinait de son teint à travers la marque d'infamie était si verdâtre qu'on aurait dit qu'il allait vomir. Ophélie fut consternée de voir des sabliers bleus s'échanger de main en main dans la salle, à présent que le chevalier avait été dépossédé de ce pouvoir dont il avait fait si mauvais usage. Le soulagement général était perceptible. Quant à la mystérieuse disparition du comte Harold, elle parut davantage contrarier le commissaire que lui causer de l'inquiétude. « En effet, j'ai ici un dossier qui mentionne cet état de fait, » bougonna-t-il en examinant des documents sur son pupitre. « Eh bien, monsieur Stanislav, votre tuteur ayant choisi de disparaître inopinément, vous serez envoyé à Elem dès aujourd'hui. »« Non !» supplia le chevalier qui n'avait jamais paru aussi pathétique, ses mains balayant le sol de la tribune pour retrouver ses lunettes. « Je veux rester auprès de Madame Bérénilde, je serai sage, je vous en prie. »« Elle aime !» murmura Ophélie au baron Melchior, alors que l'auditoire applaudissait déjà. « Il s'agit d'un établissement très spécialisé, » lui expliqua-t-il. « Elle aime se trouve sur une arche mineure du pôle. » On y envoie les enfants perturbateurs qu'on ne souhaite pas voir réapparaître de sitôt. Les gendarmes emmenèrent le chevalier, qui continua d'appeler Bérénilde à grands cris, jusqu'à ce que sa voix se fût perdue dans le lointain. Ophélie aurait dû éprouver du soulagement à l'idée de ne plus jamais avoir affaire à lui. Pourtant, sa seule satisfaction fut que Bérénilde n'eût pas assisté à la scène. Ça lui aurait chaviré le cœur. « Affaire suivante !» annonça le commissaire en fouillant la salle du regard. « Oh, vous êtes là !» ajouta-t-il d'un ton radouci quand il reconnut Ophélie. « Approchez, chère mademoiselle, c'est votre tour. Faites venir également les sœurs de monsieur l'ambassadeur, » ordonna-t-il à l'adresse des gendarmes. Alors qu'elles montaient ensemble les marches de la tribune, Ophélie se sentit plus mal à l'aise qu'elle ne l'avait jamais été sur la scène du théâtre optique. Cunégonde n'avait pas exagéré. Cette lueur qui brillait dans les regards des mirages, c'était de la détestation pure. Farouk, pour sa part, examina intensément Ophélie depuis son grand fauteuil, un poing sous le menton. Ses émanations mentales lui mettaient déjà les nerfs à vif. Le jeune aide-mémoire se hissait sur la pointe des pieds pour lui murmurer dans le creux de l'oreille et lui faire relire certains passages de son pense-bête. Ophélie eut un petit choc en s'apercevant que ce n'était pas le même adolescent que d'habitude. Celui-là ne portait pas le tatouage de la toile entre les sourcils. « Pourquoi avons-nous été convoqués ?» demanda-t-elle de plus en plus inquiète. Le commissaire lui adressa un sourire contrit. Ophélie était surprise que cet homme en perruqué lui fît tant de délicatesse, ça ne lui inspirait rien de bon. « Une affaire bien singulière, chère mademoiselle. Nous vous savons gré d'être venue si vite. » « Où est Bérénilde ?» Farouk avait interrompu le commissaire d'une voix extrêmement lente et extrêmement lourde, sa grande main repoussant l'aide-mémoire comme elle se serait débarrassée d'une mouche importune. Il ne paraissait pas content du tout, mais heureusement pour Ophélie, il n'avait pas quitté son fauteuil. Même à distance, son regard lui donnait si mal au crâne qu'elle avait l'impression que ses lunettes allaient se fissurer. « Elle est prise par diverses obligations, monsieur, » répondit-elle en choisissant ses mots avec soin. « Et vous, quelles obligations vous ont à ce point accaparé pour que je n'ai plus aucune nouvelle de votre part ?» Ophélie s'abstint de faire remarquer que c'était plutôt elle qui était restée sans nouvelles de lui et qu'elle ne s'en était pas portée plus mal. « Je reçois ma famille. Nous prenons les eaux ensemble. »« J'aurais mis mes bains à votre disposition si vous me l'aviez demandé, » dit Farouk d'une voix traînante. « Au lieu de cela, vous m'imposez de me déplacer moi-même jusqu'à vous. » C'était donc pour les retrouver, Bérénilde et elle, que Farouk avait fait migrer la capitale entière vers le sud. Ophélie commençait à comprendre pourquoi l'air ambiant était aussi empoisonné. Elle voulut retenir sa mère qui s'avança soudain vers Farouk dans un imposant mouvement de robe, mais celle-ci ignora son geste d'une claque sur les doigts. « Nous n'avons pas été présentés, cher monsieur, » dit-elle solennellement. « Je suis la maman d'Ophélie. J'admets être sensible à l'intérêt évident que vous portez à ma fille, mais j'aurais quelques observations à vous faire. Pour commencer, je ne suis pas certaine d'apprécier la façon dont les femmes sont considérées dans votre petite réunion, » dit-elle avec un geste significatif pour l'assemblée exclusivement masculine qui la jaugeait du regard. « Ensuite, je vous trouve excessivement sévère avec vos plus jeunes descendants. Et enfin, » conclut-elle à l'intention cette fois des favorites, « vous devriez apprendre à vous habiller convenablement, mesdames. À votre âge, on ne cache pas ses parties intimes derrière des diamants. Quel exemple déplorable vous donnez à ma fille. Voilà pour mes observations, » dit-elle en revenant à Farouk d'un ton plus mesuré. « Ayez à présent l'amabilité de nous dire pourquoi vos gendarmes sont venus arracher ces demoiselles à leurs occupations. Ah, et est-ce que quelqu'un peut me servir une aspirine ?» demanda-t-elle en se frottant le front. « Je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, cher monsieur, mais votre regard donne un peu mal à la tête. » Sur les rangées de chaises, les monocles s'étaient décrochés des visages tellement les nobles écarquillaient les yeux. Le commissaire fit tomber son maillet, les favorites pincèrent les lèvres et Douce, la plus jeune des sœurs d'Archibald, émit un long bâillement à travers le silence inconfortable qui s'était installé. Ophélie contempla la silhouette en bonbonnière de sa mère, forcée d'admettre qu'elle ne s'était jamais sentie aussi fière d'être sa fille. Il ne restait plus qu'à espérer maintenant qu'elle survivrait à cette séance de tribunal. Ses doigts pianotant sur les accoudoirs de son fauteuil, Farouk ne fit l'honneur ni d'une réponse ni d'un regard à la mère d'Ophélie. « Petite d'Artémis, j'ai une nouvelle occupation. » Pour vous, je... » Il s'interrompit, fronça les sourcils dans un mouvement sans fin, puis relut la dernière page de son pense-bête comme s'il s'agissait du plus ennuyeux des romans. « Ah oui, Je voudrais que vous retrouviez mon ambassadeur. Il a disparu. » ajouta-t-il après coup, réalisant qu'il avait oublié de le préciser. Le cœur d'Ophélie manqua un battement. Archibald avait disparu. Non, Archibald ne pouvait pas disparaître. Il appartenait à cette catégorie d'hommes envahissants dont on ne se débarrasse tout simplement pas. Ce fut avec une incrédulité croissante qu'Ophélie écouta le commissaire exposer les faits, le nez dans ses documents. Il est inutile d'en faire mystère. Nous savons tous que des enlèvements inexpliqués et préoccupants se sont produits ces dernières semaines. Le prévôt des maréchaux a disparu le 20 avril dans une salle de billard. Le directeur éditorial du Nibelungen a disparu au beau milieu d'un bal travesti le 25 juin. Le comte Harold, dont nous avons parlé un peu plus tôt, a disparu à l'intérieur même d'une salle de bain le 29 juillet. Et voilà que monsieur l'ambassadeur vient de disparaître à son tour dans sa propre chambre. Quatre disparitions, résuma le commissaire en refermant un dossier, mais aucune demande de rançon, aucun signe de lutte, ni aucune trace d'effraction. Les victimes ont toutes disparu dans l'enceinte du clair de lune, une place pourtant réputée pour son haut niveau de sécurité et, exception faite de monsieur l'ambassadeur, ce sont toutes des mirages. Un peu de calme, messieurs, soupira le commissaire en donnant des coups de maillet fatigués. Au fur et à mesure qu'ils s'étaient exprimés, des mirages s'étaient levés de leur siège pour réclamer justice, mais un seul regard de Farouk les ramena au silence. De plus en plus avachi dans son fauteuil, ses doigts pianotant encore et encore sur les accoudoirs de son fauteuil, il commençait manifestement à trouver le temps long. « Voilà, » dit-il, sans laisser transparaître la moindre émotion. « Petite d'Artémis, je vous demande de retrouver toutes ces personnes dans les plus brefs délais. » « Moi ?» s'étrangla Ophélie. « Elle ?» renchérit sa mère. Farouk tourna au ralenti les pages de son pense-bête. « J'ai écrit que vous vouliez tenir votre propre cabinet de lecture. »« Ça n'a rien à voir, » s'affola Ophélie. « Je peux expertiser des objets, pas élucider des affaires criminelles, et puis, » réalisa-t-elle soudain en se tournant vers l'essor d'Archibald, « ne serait-ce pas plutôt à ces demoiselles qu'il faudrait le demander? Elles sont les mieux placées pour savoir où se trouve leur frère en ce moment. » Ophélie commençait à se douter que la disparition d'Archibald et la somnolence de sa famille étaient liées. Mais elle en prit la pleine mesure quand le commissaire pencha par-dessus son pupitre sa grosse tête en perruquée pour s'adresser directement aux sœurs d'Archibald. « Mesdemoiselles, » dit-il d'une voix forte, comme s'il avait affaire à des malentendantes. « Avez-vous écouté ce qui vient de se dire? L'une d'entre vous se sent-elle capable de prendre la parole, ici et maintenant ?» Ni grâce, ni friande, ni gaieté, ni mélodie, ni clairmonde, ni douce ne réagit. Seule patience battit des paupières un instant, comme si son instinct d'aîné lui dictait de se reprendre, mais elle replongea aussitôt dans sa torpeur. Le regard vitreux, les bras le long du corps plus pâles que des bougies, les sept sœurs semblaient ne se tenir debout sur la tribune que parce que leurs jambes le voulaient bien. À cet instant plus que jamais, elles évoquaient une collection de fragiles poupées en porcelaine. « Ne les brusquez pas !» Au premier rang, un diplomate de la toile était intervenu avec des mouvements si chancelants qu'il en avait renversé sa chaise. Ophélie l'avait croisé deux ou trois fois dans les salles de jeu de la jetée promenade. En temps ordinaire, c'était un homme à l'intelligence vive et aux manières guindées. Mais il donnait aujourd'hui l'impression d'avoir abusé de narcotiques. Pendant un instant, il ne parut pas se rappeler pourquoi il s'était manifesté, haussant les sourcils d'un air ahuri, puis, Son regard recouvra un peu de lucidité derrière son pince-nez. « Ne les brusquez pas, » répéta-t-il. « Leur empathie avec monsieur l'ambassadeur est supérieure à la nôtre. Elles sont encore plus affectées que nous. »« Affectées par quoi ?» s'impatienta Ophélie. Sa mère la regarda avec étonnement, mais Ophélie se sentait dans un tel état d'ébullition qu'elle ne se souciait plus des bonnes manières. Dans ce magma d'émotions, la colère commençait à l'emporter sur tout le reste. La veille encore, elle avait recommandé à Archibald d'être prudent. Pourquoi cet imbécile ne l'avait-il pas écouté? Dans quelle soupière était-il allé se mettre? « La seule chose que nous sentons, c'est que monsieur l'ambassadeur est plongé dans un sommeil proche de l'inconscience, » répondit le diplomate, tandis que ses voisins de rangée opinaient mollement du menton. « C'est au moins la preuve qu'il est encore en vie. » Et donc, peut-être, les autres disparus le sont-ils aussi. Mais voilà, la nature de son sommeil est anormale, et elle ne nous fournit aucune indication sur l'endroit où il se trouve, comment il y est arrivé, ou encore à cause de qui. Il est surtout en train de tous nous contaminer, ronchonna son voisin de chaise entre deux bâillements. Ses coucheries, ses débauches, ses ennuis. « Ce coquin ne nous aura rien épargné. L'aide-mémoire de notre Seigneur est lui-même hors service, » souligna le commissaire en signalant, comme s'il s'agissait d'un piètre matériel de remplacement, l'adolescent qui se tenait actuellement près de Farouk. « Seul un membre de la toile est normalement autorisé à assurer cette fonction. Vous commencez à mesurer la gravité de la situation, mademoiselle. » « Oui. » Ophélie saisissait peu à peu les implications de ce qu'on lui disait. Ce n'était pas seulement la vie d'Archibald qui était en danger. C'était l'équilibre entier de son clan, et par voie de conséquence, de toute la cour. « Je vous aiderai, si c'est en mon pouvoir, » promit-elle en tortillant ses mains. « Mais je ne suis pas la personne la plus habilitée. »« Vous l'êtes. » Farouk avait affirmé cela de sa voix d'orage, répandant un nouveau silence respectueux sur toute la chambre de la roulette. « Je vous nomme grande liseuse familiale, » déclara-t-il en faisant crisser sa plume sur une page de son pense-bête. « Votre unique priorité sera de retrouver mes disparus. Je vous donne jusqu'à... » Farouk marqua une interminable hésitation le temps de relire ses dernières notes. « Jusqu'à demain, minuit, » dit-il avec de laborieux crissements de plumes. « Après minuit, ce seront les états familiaux et je ne peux pas m'occuper de tout à la fois. » Il y eut des applaudissements crispés à travers la salle, et un degré de détestation supplémentaire dans les regards de l'assistance. Les mirages en particulier appréciaient modérément de voir le sort de leur famille confié aux mains d'une étrangère. Ophélie sentit ses genoux s'entrechoquer. Cette séance de tribunal ressemblait à un cauchemar. Il lui paraissait inconcevable de penser que ce matin encore, elle emmenait son petit frère au cirque. « Voyons, vous ne pouvez pas demander une chose pareille à ma fille !» protesta la mère d'Ophélie. « Ce n'est encore qu'une gamine, et empotée avec ça. Elle ne s'est déjà pas retrouvée une paire de bas dans un tiroir, alors, vos pauvres messieurs... »« Ma mère a raison sur un point, » l'interrompit Ophélie. « C'est une trop lourde responsabilité pour moi. »« Vous êtes grande liseuse familiale, » dit Farouk en reposant sa plume sur le chapeau de l'aide-mémoire. « Aucune responsabilité... » n'est trop lourde pour vous. S'il n'y a que cela pour vous tranquilliser, je vous désigne d'office un adjoint. » Ses yeux mi-clos parcoururent les rangées de nobles qui, chacun à leur tour, se prirent soudain d'intérêt pour leurs souliers, leurs montres, leurs perruques ou leurs tabatières. Être l'adjoint d'Ophélie semblait aussi dégradant pour eux qu'une mutilation publique. Le regard de Farouk s'immobilisa sur le baron Melchior, probablement parce qu'il était le plus visible d'entre tous avec ses habits au blanc éclatant et sa silhouette de montgolfière. « Vous êtes... »« Votre ministre des élégances, monseigneur. » Le baron Melchior s'était incliné en avant avec une grâce infinie en dépit de sa corpulence. « Je vous charge d'assister la petite d'Artémis dans sa tâche. » « Je m'y emploierai de mon mieux, monseigneur. » Le baron n'était probablement pas enchanté par cette perspective, mais, en ministre exemplaire, il eut la délicatesse de n'en rien laisser paraître. Ophélie n'avait elle-même rien contre lui, mais elle ne voyait pas très bien en quoi il pourrait lui être utile. « Et si j'échoue, malgré tout ? » demanda-t-elle. « Si demain à minuit je n'ai retrouvé aucun des disparus ?» « Alors nous ne les chercherons plus. » Farouk n'avait brandi ni menace ni chantage, et pourtant, Ophélie trouva sa réponse pire que toutes celles qu'il aurait pu fournir. « Je demande plus de temps. »« Nous ne pouvons hélas pas nous le permettre, mademoiselle. » Ce fut le diplomate du premier rang qui avait repris la parole. Il tenait son pince-nez d'une main et de l'autre frottait vigoureusement ses paupières pour se réveiller. « Nous ne tiendrons pas longtemps dans cet état. Ce qui arrive, Archibald, affecte l'intégrité de toute la toile. Nous devons être en pleine possession de nos moyens pour assister aux états familiaux. Si, d'ici là, vous ne l'avez pas retrouvé, nous romprons le lien empathique qui nous unit à lui. C'est une procédure irréversible, qui lui sera probablement fatale. » Ophélie sentit son cœur accélérer davantage. Avec une lenteur inversement proportionnelle, Farouk se mit debout puis leva ses yeux pâles vers l'immense roulette qui tournoyait au plafond. « Si j'étais vous, mademoiselle la grande liseuse familiale, je ne perdrais pas une minute.